Chapitre 23. L'assaut des glaçons. Hatteras, après avoir présidé au mouillage du navire, rentra dans sa cabine, prit sa carte et la pointa avec soin. Il se trouvait par 76° 57' de latitude et 99° 20' de longitude, c'est-à-dire à 3 minutes seulement du 77e parallèle. Ce fut à cet endroit même que Sir Edward Belcher passa son premier hivernage sur le Pionnier et l'Assistance. C'est de ce point qu'il organisa ses excursions en traîneau et en bateau. Il découvrit l'île de la Table, les Cornouailles septentrionales, l'archipel Victoria et le canal Belcher. Parvenu au-delà du 78e degré, il vit la côte s'incliner vers le sud-est. Elle semblait devoir se relier au détroit de Jones, dont l'entrée donne sur la baie de Baffin. Mais dans le nord-ouest, au contraire, une mer libre, dit son rapport, s'étendait à perte de vue. Hatteras considérait avec émotion cette partie des cartes marines où un large espace blanc figurait ces régions inconnues, et ses yeux revenaient toujours à ce bassin polaire dégagé des glaces. Après tant de témoignages, se dit-il, après les relations de Stewart, de Penny, de Belcher, il n'est pas permis de douter, il faut que cela soit. Ces hardis marins ont vu de leurs propres yeux. Peut-on révoquer leurs assertions en doute? Non, mais si cependant cette mer, libre alors par suite d'un hiver précoce, était... Mais non, c'est à plusieurs années d'intervalle que ces découvertes ont été faites. Ce bassin existe, je le trouverai, je le verrai. Hatteras remonta sur la dunette. Une brume intense enveloppait le forward. Du pont, on apercevait à peine le haut de sa mâture. Cependant, Hatteras fit descendre l'Icemaster de son nid de pie et prit sa place. Il voulait profiter de la moindre éclaircie du ciel pour examiner l'horizon du nord-ouest. Shandon n'avait pas manqué cette occasion de dire au lieutenant « Eh bien, Wall, et cette mer libre ?»« Vous aviez raison, Shandon, » répondit Wall, « et nous n'avons plus que pour 6 semaines de charbon dans nos soutes. » « Le docteur trouvera quelques procédés scientifiques, » répondit Shandon, « pour nous chauffer sans combustible. J'ai entendu dire que l'on faisait de la glace avec du feu. Peut-être nous fera-t-il du feu avec de la glace. » Shandon rentra dans sa cabine en haussant les épaules. Le lendemain, 20 août, le brouillard se fendit pendant quelques instants. On vit Hatteras, de son poste élevé, promener vivement ses regards vers l'horizon. Puis il redescendit sans rien dire et donna l'ordre de se porter en avant. Mais il était facile de voir que son espoir avait été déçu une dernière fois. Le forward leva l'ancre et reprit sa marche incertaine vers le nord. Comme il fatiguait beaucoup, les vergues des huniers et des deux perroquets furent envoyés en bas avec tout leur gréement. Les mâts furent dépassés, on ne pouvait plus compter sur le vent variable que la sinuosité des passes rendait d'ailleurs à peu près inutile. De larges taches blanchâtres se formaient çà et là sur la mer, semblables à des taches d'huile. Elles faisaient présager une gelée générale très prochaine. Dès que la brise venait à tomber, la mer se prenait presque instantanément. Mais au retour du vent, cette jeune glace se brisait et se dissipait. Vers le soir, le thermomètre descendit à 17°, moins 7 centigrades. Lorsque le brick arrivait au fond d'une passe fermée, il faisait alors l'office de bélier et se précipitait à toute vapeur sur l'obstacle qui l'enfonçait. Quelquefois, on le croyait définitivement arrêté. Mais un mouvement inattendu des streams lui ouvrait un nouveau passage et il s'élançait hardiment. Pendant ces temps d'arrêt, la vapeur s'échappant par les soupapes se condensait à l'air froid et retombait en neige sur le pont. Une autre cause venait aussi suspendre la marche du brick. Les glaçons s'engageaient parfois dans les branches de l'hélice et ils avaient une dureté telle que tout l'effort de la machine ne parvenait pas à les briser. Il fallait alors renverser la vapeur, revenir en arrière et envoyer des hommes débarrasser l'hélice à l'aide des leviers et d'anspets. De là des difficultés, des fatigues et des retards. Pendant 13 jours, il en fut ainsi. Le forward se traîna péniblement le long du détroit de Penny. L'équipage murmurait, mais il obéissait. Il comprenait que revenir en arrière était maintenant impossible. La marche au nord offrait moins de périls que la retraite au sud. Il fallait songer à l'hivernage. Les matelots parlaient entre eux de cette nouvelle situation, et un jour ils en causèrent même avec Richard Shandon, qu'ils savaient bien être pour eux. Celui-ci, au mépris de ses devoirs d'officier, ne craignit pas de laisser discuter devant lui l'autorité de son capitaine. « Vous dites donc, monsieur Shandon, lui demandait Gripper, que nous ne pouvons plus revenir sur nos pas ?»« Maintenant, il est trop tard, répondit Shandon. Alors, reprit un autre matelot, nous ne devons plus songer qu'à l'hivernage. C'est notre seule ressource, on n'a pas voulu me croire. » Une autre fois, reprit Penn, qui avait repris son service accoutumé, on vous croira. Comme je ne serai pas le maître, répliqua Shandon. Qui sait ? Répliqua Penn. John Atterras est libre d'aller aussi loin que bon lui semble, mais on n'est pas obligé de le suivre. Il n'y a qu'à se rappeler, reprit Gripper, son premier voyage à la mer de Balfin et ce qui s'en est suivi. Et le voyage du Farewell, dit Clifton, qui est allé se perdre dans les mers du Spitzberg sous son commandement. Et dont il est revenu seul, répondit Gripper. Seul avec son chien, répliqua Clifton. Nous n'avons pas envie de nous sacrifier pour le bon plaisir de cet homme, ajouta Penn, ni de perdre les primes que nous avons si bien gagnées. On reconnaît Clifton à cette remarque intéressée. Lorsque nous aurons dépassé le 78e degré, ajouta-t-il, et nous n'en sommes pas loin, cela fera juste 375 livres pour chacun, 6 × 8 degrés. Mais, répondit Gripper, ne les perdrons-nous pas si nous revenons sans le capitaine ? Non, répondit Clifton, lorsqu'il sera prouvé que le retour était devenu indispensable. Mais le capitaine, cependant... Sois tranquille, Gripper, répondit Penn. Nous en aurons un, capitaine, et un bon, que M. Shandon connaît. Quand un commandant devient fou, on le casse, et on en nomme un autre. N'est-ce pas, M. Shandon ? Mes amis, répondit Shandon évasivement, vous trouverez toujours en moi un cœur dévoué, mais attendons les événements. L'orage, on le voit, s'amassait sur la tête d'Atterras. Celui-ci, ferme, inébranlable, énergique, toujours confiant, marchait avec audace. En somme, s'il n'avait pas été maître de la direction de son navire s'était vaillamment comporté. La route parcourue en 5 mois représentait la route que d'autres navigateurs mirent 2 ou 3 ans à faire. Atterras se trouvait maintenant dans l'obligation d'hiverner. Mais cette situation ne pouvait effrayer des cœurs forts et décidés, des âmes éprouvées et aguerries, des esprits intrépides et bien trempés. Sir John Ross et McClure ne passèrent-ils pas 3 hivers successifs dans les régions arctiques ? Ce qui s'était fait ainsi, ne pouvait-on le faire encore ? Certes, répétait Atterras, et plus, s'il le faut. Ah ! Disait-il avec regret au docteur, que n'ai-je pu forcer l'entrée de Smith au nord de la mer de Baffin ? Je serai maintenant au pôle. Bon, répondait invariablement le docteur, qui eut inventé la confiance au besoin. Nous y arriverons, capitaine, sur le 99e méridien au lieu du 75e, il est vrai. Mais qu'importe, si tout chemin mène à Rome, il est encore plus certain que tout méridien mène au pôle. Le 31 août, le thermomètre marqua 13 degrés, moins 10 centigrades. La fin de la saison navigable arrivait. Le Forward laissa l'île Exmouth sur tribord, et 3 jours après, il dépassa l'île de la Table, située au milieu du canal Belcher. À une époque moins avancée, il eût été possible peut-être de regagner par ce canal la mer de Baffin, mais alors il ne fallait pas y songer. Ce bras de mer, entièrement barré par les glaces, n'eût pas offert 1 pouce d'eau à la quille du Forward. Le regard s'étendait sur des icefields sans fin et immobiles pour 8 mois encore. Heureusement, on pouvait encore gagner quelques minutes vers le nord, mais à la condition de briser la glace nouvelle sous de gros rouleaux, ou de la déchirer au moyen de pétards. Ce qu'il fallait redouter alors, par ces basses températures, c'était le calme de l'atmosphère. Car les passes se prenaient rapidement, et on accueillait, avec joie même, les vents contraires. Une nuit calme, et tout était glacé. Or, le Forward ne pouvait hiverner dans la situation actuelle, exposé au vent, aux icebergs, à la dérive du canal. Un abri sûr est la première chose à trouver. Atterras espérait gagner la côte du nouveau Cornouailles et rencontrer au-delà de la pointe Albert une baie de refuge suffisamment couverte. Il poursuivit donc sa route au nord avec persévérance. Mais le 8 septembre, une banquise continue, impénétrable, infranchissable, s'interposa entre le nord et lui. La température s'abaissa à 10 degrés. Moins 12 degrés centigrades. Atterras, le cœur inquiet, chercha vainement un passage, risquant 100 fois son navire et se tirant de pas dangereux par des prodiges d'habileté. On pouvait le taxer d'imprudence, d'irréflexion, de folie, d'aveuglement, mais, Pour bon marin, il l'était, et parmi les meilleurs. La situation du forward devint véritablement périlleuse. En effet, la mer se refermait derrière lui, et dans l'espace de quelques heures, la glace acquérait une dureté telle que les hommes couraient dessus et halaient le navire en toute sécurité. Hatteras, ne pouvant tourner l'obstacle, résolut de l'attaquer de front. Il employa ses plus forts blasting cylinders de 8 à 10 livres de poudre. On commençait par trouer la glace dans son épaisseur. On remplissait le trou de neige après avoir eu soin de placer le cylindre dans une position horizontale afin qu'une plus grande partie de glace fût soumise à l'explosion. Alors on allumait la mèche, protégée par un tube de gutta-percha. On travailla donc à briser la banquise, car on ne pouvait la scier, puisque les sciures se recollaient immédiatement. Toutefois, Hatteras put espérer passer le lendemain. Mais pendant la nuit, le vent fit rage. La mer se souleva sous sa croûte glacée, comme secouée par quelque commotion sous-marine. Et la voix terrifiée du pilote laissa tomber ces mots « Veille à l'arrière ! Veille à l'arrière !» Hatteras porta ses regards vers la direction indiquée, et ce qu'il vit à la faveur du crépuscule était effrayant. Une haute banquise, refoulée vers le nord, accourait sur le navire avec la rapidité d'une avalanche. « Tout le monde sur le pont !» s'écria le capitaine. Cette montagne roulante n'était plus qu'à un demi-mile à peine. Les glaçons se soulevaient, passaient les uns par-dessus les autres, se culbutaient comme d'énormes grains de sable emportés par un ouragan formidable. Un bruit terrible agitait l'atmosphère. « Voilà, monsieur Clawbonny, » dit Johnson au docteur, « l'un des plus grands dangers dont nous ayons été menacés. »« Oui, » répondit tranquillement le docteur, « c'est assez effrayant. Un véritable assaut qu'il nous faudra repousser, » reprit le maître d'équipage. En effet, on dirait une troupe immense d'animaux antédiluviens, de ceux que l'on suppose avoir habité le pôle. Ils se pressent, ils se hâtent à qui arrivera le plus vite. Et, ajouta Johnson, il y en a qui sont armés de lances aiguës, dont je vous engage à vous défier, monsieur Clawbonny. C'est un véritable siège, s'écria le docteur. Eh bien, courons sur les remparts. Et il se précipita vers l'arrière, où l'équipage, armé de perches, de barres de fer, d'anspets, se préparait à repousser cet assaut formidable. L'avalanche arrivait et gagnait de hauteur en s'accroissant des glaces environnantes qu'elle entraînait dans son tourbillon. D'après les ordres d'Hatteras, le canon de l'avant tirait à boulet pour rompre cette ligne menaçante. Mais elle arriva et se jeta sur le brick. Un craquement se fit entendre, et comme il fut abordé par la hanche de tribord, une partie de son bastingage se brisa. « Que personne ne bouge !» s'écria Hatteras. « Attention aux glaces !» Celles-ci grimpaient avec une force irrésistible. Des glaçons pesant plusieurs quintaux escaladaient les murailles du navire. Les plus petits, lancés jusqu'à la hauteur des hunes, retombaient en flèches aiguës, brisant les haubans, coupant les manœuvres. L'équipage était débordé par ces ennemis innombrables qui, de leur masse, eussent écrasé 100 navires comme le Forward. Chacun essayait de repousser ces rocs envahissants, et plus d'un matelot fut blessé par leurs arêtes aiguës, entre autres Bolton, qui eut l'épaule gauche entièrement déchirée. Le bruit prenait des proportions effrayantes. Duke aboyait avec rage après ses ennemis d'une nouvelle sorte. L'obscurité de la nuit accrut bientôt l'horreur de la situation, sans cacher ces blocs irrités dont la blancheur répercutait les dernières lueurs éparses dans l'atmosphère. Les commandements d'Hatteras retentissaient toujours au milieu de cette lutte étrange, impossible, surnaturelle, des hommes avec des glaçons. Le navire, obéissant à cette pression énorme, s'inclinait sur bâbord, et l'extrémité de sa grande vergue s'arc-boutait déjà contre le champ de glace au risque de briser son mât. Hatteras comprit le danger. Le moment était terrible. Le brick menaçait de se renverser entièrement et la mâture pouvait être emportée. Un bloc énorme, grand comme le navire lui-même, parut alors s'élever le long de la coque. Il se soulevait avec une irrésistible puissance. Il montait, il dépassait déjà la dunette. S'il se précipitait sur le forward, tout était fini. Bientôt, il se dressa debout, sa hauteur dépassant les vergues de perroquet, et il oscilla sur sa base. Un cri d'épouvante s'échappa de toutes les poitrines, chacun reflua sur tribord. Mais à ce moment, le navire fut entièrement soulagé. On le sentit enlevé, et pendant un temps inappréciable, il flotta dans l'air, Puis il s'inclina, retomba sur les glaçons, et là, il fut pris d'un roulis qui fit craquer ses bordages. Que se passait-il donc ? Soulevé par cette marée montante, repoussé par les blocs qui le prenaient à l'arrière, il franchissait l'infranchissable banquise. Après une minute qui parut un siècle de cette étrange navigation, il retomba de l'autre côté de l'obstacle sur un champ de glace. Il l'enfonça de son poids et se retrouva dans son élément naturel. « La banquise est franchie !» s'écria Johnson, qui s'était jeté en avant du brick. « Dieu soit loué !» répondit Hatteras. En effet, le brick se trouvait au centre d'un bassin de glace. Celle-ci l'entourait de toutes parts, et bien que sa quille plongeât dans l'eau, il ne pouvait bouger. Mais s'il demeurait immobile, le champ marchait pour lui. « Nous dérivons, capitaine !» cria Johnson. « Laissons faire !» répondit Hatteras. Comment, d'ailleurs, eût-il été possible de s'opposer à cet entraînement ? Le jour revint, il fut bien constaté que, sous l'influence d'un courant sous-marin, le banc de glace dérivait vers le nord avec rapidité. Cette masse flottante emportait le forward cloué au milieu de l'icefield, dont on ne voyait pas la limite. Dans la prévision d'une catastrophe, dans le cas où le brick serait jeté sur une côte ou écrasé par la pression des glaces, Hatteras fit monter sur le pont une grande quantité de provisions, les effets de campement et les couvertures de l'équipage. À l'exemple de ce que fit le capitaine McClure dans une circonstance semblable, il fit entourer le bâtiment d'une ceinture de hamacs gonflée d'air, de manière à le prémunir contre les grosses avaries. Bientôt, la glace s'accumulant sous l'influence d'une température de 7 degrés, moins 14 centigrades, le navire fut entouré d'une muraille de laquelle sa mâture sortait seule. Pendant 7 jours, il navigua de cette façon. La pointe Albert, qui forme l'extrémité ouest du nouveau Cornouailles, fut entrevue le 20 septembre et disparut bientôt. On remarqua que le champ de glace porta dans l'est à partir de ce moment. Où allait-il de la sorte? Où s'arrêterait-on? Qui pouvait le prévoir? L'équipage attendait et se croisait les bras. Enfin, le 15 septembre, vers les 3 heures du soir, l'icefield, précipité sans doute sur un autre champ, s'arrêta brusquement. Le navire ressentit une secousse violente. Hatteras, qui avait fait son point pendant cette journée, consulta sa carte. Il se trouvait dans le nord, sans aucune terre en vue, par 95 degrés 35 minutes de longitude et 78 degrés 15 minutes de latitude, au centre de cette région, de cette mer inconnue, où les géographes ont placé le pôle du froid.